إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 86 dans l'explication du livre Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Donc on continue là où on s'est arrêté la dernière fois, et le Cheikh maintenant il explique d'autres points qui ont rapport avec les preuves qui montrent que dans l'islam c'est un principe fondamental que les musulmans n'ont pas le droit de copier ou d'imiter ou de suivre l'exemple des mushrikines et des kuffars ou des gens du livre de façon générale. Et on a mentionné depuis le début du livre plusieurs preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet là et le cheikh il continue encore à ramener des arguments et des preuves pour supporter ce principe, pour faire en sorte que la personne qui avait un doute à l'origine ou à la base, qui avait un doute dans ce principe, eh bien, à la fin, il n'a plus aucun doute, puisque ce n'est pas un hadith ou deux qui confirment cette question-là, mais c'est des textes et des textes et des textes qui se suivent, et donc ça prouve que ce n'est pas seulement un ordre parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que c'est un des principes parmi les principes de la charia d'Allah. Et donc le cheikh il explique maintenant, il mentionne un autre hadith, il dit wa Ayyash ibn Abbas radiyallahu anhu rawa lahu Muslim wa qala Yahya ibn Ma'in thiqa wa qala Abu Hatim salih wa amma Abu al-Husayn al-Haytham ibn Shafi qala Ad-Darqutni Shafi bi fath ash-shin وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شفي وهذا غلط، وأبو عامر الحجري الأزدي فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء، وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوصا متعددة ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهي عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. والأصل بالصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد عن أبي عروة أو أبي عن أبي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير فأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له. Donc on va traduire cette partie. Au début, il explique les narrateurs qui ont été mentionnés dans le hadith précédent au sujet de qu'est-ce qu'on a lu dans le hadith précédent, des choses qui ont été interdites dans l'islam. Et parmi les choses qu'on avait mentionnées au dernier cours, on a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit le tatouage et qu'il a interdit également de faire des séparations entre les dents avec une lime ou quelque chose comme ça. Il a interdit également à l'homme ou à la femme de dormir deux hommes ensemble dévêtus sous une même couverture, ou deux femmes ensemble dévêtues sous une même couverture. Il a mentionné également la question des vêtements qui ont été doublés avec une doublure de comment on appelle al-harir, c'est la soie, na'am. Donc il a interdit les vêtements qui ont été doublés avec une doublure de soie à l'intérieur, de même que les vêtements qui ont sur les épaules de la soie. Il dit que ça c'est interdit parce que c'est comme la façon dont le portaient les koufars parmi les non-musulmans. Et il a mentionné également An-Nuhba. Et au dernier cours, bon, j'avais mentionné que An-Nuhba, j'étais pas certain de la traduction. Toutefois, il semble que ça signifierait quelque chose qui est relié au pillage, des choses de ce genre. Wa rukub an-numur, c'est-à-dire d'utiliser les peaux des tigres ou des animaux, des bêtes féroces, puis de ça, les utiliser comme tapis ou des choses comme ça, ou de les porter aussi, que ça c'est pas permis. Il dit wa lubus al-khatim alladhi lidhi sultan, illa lidhi sultan. Porter une bague, excepté pour le dirigeant. On a expliqué ce que ça signifiait, que c'est permis de porter une bague en argent pour l'homme, mais il ne faut pas qu'elle soit avec la même inscription que celle que porte le responsable qui utilise cette bague comme un moyen pour certifier les lettres, comme un khatim. Quand il envoie, à l'époque, quand les gens envoyaient des lettres, ils prenaient leur bague comme un tampon pour certifier leurs lettres. Donc c'est ça qui avait été mentionné par le cheikh Al-Fawzan. Il expliquait que si c'est pour imiter la signature ou l'imitation du tampon du dirigeant, dans ce cas-là, c'est pas permis. Il dit wa fi riwayati Abi Rayhana. Donc c'est ça. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne ce hadith-là dans le but d'expliquer que l'interdiction ici de la soie, ça a été mentionné dans le sens que c'est une imitation, ou bien c'est pour pas ressembler aux a'ajim, c'est-à-dire les koufars parmi les non-arabes, hein, les koufars parmi les non-arabes, et comment eux ils portaient la soie, donc c'était pas permis de le porter de la même façon qu'eux. Et donc il cite ici les narrateurs de ce hadith-là. Il mentionne qu'ils sont considérés comme étant des narrateurs fiables, la plupart. Puis après, il passe à la question justement de la soie, et que certains des ulama de fiqh, il dit la plupart des ulama de fiqh ont eu de la difficulté à comprendre ce hadith, du point de vue que dans le hadith il y a la mention du fait que on ne devait pas porter une doublure, un vêtement avec une doublure en soie. Et donc il disait comme si pourquoi la mention de la soie ici, puisqu'on sait que de façon générale la soie est interdite pour l'homme. Donc pourquoi spécifier que ce soit le dessous du vêtement ou l'intérieur du vêtement qui soit en soie qui soit dérangeant ici? ou bien les épaules, et il explique que c'est interdit parce que c'était une façon spécifique dont les non-musulmans, les koufars non-arabes portaient leurs vêtements de cette façon-là ou de ce style en particulier. Et donc, il explique ça. Puis après, il mentionne aussi un autre hadith qui est rapporté selon Imran ibn Hussein, radiallahu anhuma. Et là, j'ai coupé ici la citation de la chaîne de transmission, mais il dit que c'est une chaîne de transmission qui est authentique. Il dit selon Imran ibn Hussein, radiallahu anhuma, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il ne portait pas des vêtements qui ont été teints soit avec du rouge ou avec du jaune ou bien sinon du orange, un peu à la manière des vêtements des bouddhistes qui portent des vêtements teints avec du rouge et du orange. Et il explique aussi qu'il ne portait pas les vêtements qui ont des manches en soie, et il a, ou bien des vêtements qui ont des doublures sur le col en soie ou des choses comme ça. Après, il dit également les femmes, il dit les hommes plutôt, ils portent un parfum qui n'a pas de couleur, et les femmes portent une couleur qui n'a pas d'odeur. Et il explique par la suite, on va expliquer ce que ça signifie. Il dit wa qala sa'id arahu innama hamalu qawluhu fi tib an-nisa 'ala annaha idha kharajat fa amma idha kanat 'inda zawjiha فلتطيب بما شاءت أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط على الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في الحديث الأول ولكن هذا في ذلك نظر. الشيخ الزي ك سعيد الزي ك سعيد considérait que on devait prendre, il a dit, on doit prendre le hadith au sujet du parfum de la femme comme étant lorsqu'elle sort de chez elle, qu'elle ne doit pas se parfumer. Tandis que lorsqu'elle est avec son mari chez elle, oui, elle peut se parfumer avec ce qu'elle veut. Et d'autres l'ont pris dans le sens de qu'est-ce qui est détestable seulement. De même que ce qu'on a dit à propos du premier hadith, mais à ce sujet-là, il dit il y a des objections, il y a des choses à revoir. Et puis on va expliquer maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce qu'on vient de lire des paroles de Ibn Taymiyyah. Il dit هذا فيه مسألتان الأولى أنه أراد توثيق سند هذا الحديث والثانية الإجابة على الإشكالية التي وقعت حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القليل من الحرير ما يساوي أربع أصابع فأقل. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا نهي عنه لأنه من التشبه بالأعاجم، وقد نهينا عن التشبه بالأعاجم. وجواب الشيخ يتلخص بأن استعمال الحرير على شكل يتخذه الأعاجم هذا هو المنهي عنه، وأما ما خالف فيه الأعاجم فلا بأس به في حدود ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل في الثوب ونحو ذلك. Donc le cheikh explique qu'il y a deux points ici dans qu'est-ce qui a été mentionné. La première partie, c'est le fait que le cheikh, il veut mentionner l'authenticité de la chaîne de transmission du hadith qu'il a cité. Le deuxième point, c'est qu'il veut répondre à une problématique ici par rapport au hadith dans sa compréhension, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis un peu qu'il y ait un peu de soie dans un vêtement. Et il a dit que ça doit être pas plus que la longueur ou la quantité de 4 doigts, donc la largeur de 4 doigts ou moins. Donc dans ce cas-là, si c'est moins que ça, c'est permis. Et il dit ensuite que dans le hadith qu'on vient de lire, on voit qu'il y a l'interdiction de la soie, mais parce que c'est une ressemblance aux non-musulmans et on a été interdit d'imiter les non-musulmans. Et donc, la réponse du cheikh, elle se résume ici en disant que le fait de porter de la soie à la façon dont les non-musulmans le portent, ça c'est ce qui est interdit. Mais ce dans quoi les non-musulmans ont contredit, alors il n'y a pas de problème de le porter dans les limites de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme permission, comme signe sur le vêtement, c'est-à-dire d'avoir une petite quantité de soie ou une petite portion de soie dans le vêtement. Après, il dit وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين المقصود بالمنهي عنه من الحرير وهو ما كان في أسفل الثوب وعلى الكتفين وعلى صفة ما تتخذه الأعاجم من اللباس لأننا نهينا أن نتشبه بهم وعليه فيكون قوله في أسفل الثوب تقييد للنهي وليس هو وصفا طرديا يعني ينهى عن الحرير اليسير إذا كان في أسفل الثوب على شكل ما يتخذه الأعاجم. Donc il dit ici que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ici qu'est-ce qu'on veut dire par l'interdiction de la soie. Et il dit c'est ce qui est en dessous du vêtement. Qu'est-ce qui est porté en dessous du vêtement ou sur les épaules. Et il dit que c'est une façon dont les non-musulmans portaient le vêtement en soie à l'époque. Ils mettaient un peu de soie à l'intérieur ou en dessous, ou bien sur les épaules, et on a été interdit de les imiter dans cette mode ou bien dans ce style dont ils le portaient. Et il dit, quand il dit en dessous du vêtement, c'est pour restreindre l'interdiction à cette mode-là en particulier. Et il dit que c'est pour dire qu'en fait, qu'est-ce qui est interdit, c'est de porter un peu de soie si c'est porté à la façon dont le portaient les non-musulmans, en dessous du vêtement ou sur les épaules. C'est ça ce que ça signifie ici. Et le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُهُ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ وَأَلَا طِيبُ النِّسَاءِ إِلَى آخِرِهِ المقصود أن استعمال الطيب للرجال والنساء مستحب وهو من الآداب الشرعية فالمرأة تستعمله في بيتها لزوجها فلا حرج في ذلك وأما إذا أرادت الخروج من بيتها فإنها تنهى عن التطيب الذي فيه رائحة لما في ذلك من الفتنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يخرجن تفلات يعني دون زينة أو طيب فالمرأة لا تمنع من المسجد ولكن يجب عليها أن تخرج بثياب لا تلفت النظر فضفاضة لا تصف ولا تشف ساترة دون أن تمس طيبا. Donc le cheikh ici il explique des règles qui ont rapport avec le parfum. Il dit que le parfum pour les hommes c'est un parfum qui n'a pas de couleur, tandis que pour la femme c'est une couleur qui n'a pas d'odeur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que de façon générale il est recommandé pour l'homme et pour la femme de se parfumer, et que ça fait partie des règles et des manières de la charia. La femme elle utilise le parfum chez elle, dans sa maison, avec son mari, ça il n'y a pas de problème, c'est pas interdit. Toutefois, lorsqu'elle sort de sa maison, elle est interdite dans ce cas-là de se parfumer et de mettre des parfums qui ont une bonne odeur pour que ça ne crée pas de la fitna, ça ne crée pas de la tentation ou du désir. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud selon Abi Huraira radiallahu anhu, n'interdisez pas aux servantes d'Allah d'aller aux mosquées d'Allah et qu'elles sortent tafilat, c'est-à-dire qu'elles sortent sans parure et sans parfum. Donc si elles sortent Donc ne les empêchez pas de sortir pour aller aux mosquées d'Allah. Toutefois, lorsqu'elles sortent sans se parer de parure pour qu'elles se fassent remarquer, ou bien sans parfum, c'est-à-dire ni un ni l'autre, sans parfum et sans parure, sans montrer ses atours. Et le cheikh, il dit que la femme, donc, elle ne doit pas être interdite d'aller aux mosquées. Et lorsqu'elle sort, dans ce cas-là, elle doit sortir avec des vêtements qui n'attirent pas le regard, et en même temps des vêtements qui sont, quand on dit attirer le regard, ça ne veut pas dire qui n'attirent pas le regard par rapport à la société dans laquelle elle est. Parce que c'est sûr que si, par exemple, la femme est dans un pays non musulman, puis qu'elle porte le niqab ou le djilbab, puis qu'elle sort, c'est sûr que ça attire le regard d'une certaine façon, puisque les gens sont curieux, ils trouvent ça étrange, ou bien ils n'ont pas l'habitude de voir ça, donc ça attire le regard. Mais c'est pas de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'attirer le regard, mais on parle d'attirer le regard dans le sens que c'est des vêtements qui sont trop, avec des couleurs criantes, hein, avec des couleurs qui attirent le regard, c'est ça qu'on veut dire ici. Et donc, si elle attire le regard parce qu'elle est voilée islamiquement, donc ça c'est pas un problème, puisque c'est ça qui est exigé de sa part par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens la regardent, de toute façon ils ne voient rien puisque elle est couverte. Également, parmi les règles de la femme et de ses vêtements, c'est qu'ils doivent être des vêtements amples, c'est-à-dire que les vêtements qu'elle porte ne doivent pas être collés sur la peau et mouler la forme ou les formes du corps. Et ils ne doivent pas non plus être transparents, c'est-à-dire laisser voir la couleur de la peau qui est en dessous, ou yani, la forme qui est en dessous des vêtements. Donc ça ne doit pas être serré sur le corps, et ça ne doit pas être transparent, ou disons qu'on puisse voir à travers. Et elle ne doit pas non plus être parfumée. Donc si elle respecte ces conditions, elle peut aller à la mosquée dans ce cas-là, et on ne doit pas l'empêcher, c'est-à-dire si elle désire aller à la mosquée. Après, le cheikh il dit فقد جاء في الحديث إذا استعترت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية, بمعنى أن هذا نوع من أنواع الزنا, لا أن المقصود بالزنا الزنا الحقيقي وهو الزنا الفرج. لذلك جاء في الحديث إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين النظر, وزنا اللسان المنطق, والنفس تتمنى وتشتهي, والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. وقوله أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط يعني يحمل على كراهة التنزيه جميعا بين جمعا بين الأحاديث في مسألة الحرير الذي يكون في أسفل الثوب وكذلك في طيب المرأة عند الخروج. Donc le cheikh il dit que il y a un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, un hadith du prophète qui est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, selon Abu Musa Al-Ash'ari. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la femme se parfume et qu'elle marche ou qu'elle passe près d'un groupe d'hommes pour que ces hommes puissent sentir son parfum et son odeur, alors elle est ainsi et ainsi, c'est-à-dire c'est une elle est zania. Il dit, c'est-à-dire qu'elle a commis une forme parmi les formes de zina. Et zina, c'est la fornication ou l'adultère, on utilise le terme zina. Et le cheikh explique qu'ici, on ne parle pas du vrai zina, c'est-à-dire le zina que les gens font avec leur partie intime. On parle ici d'une forme parmi les formes du zina, parce que le zina, il est de plusieurs formes. Il peut être fait avec plusieurs formes, et ce n'est pas le zina qui est avec les parties intimes. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ça dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour chaque fils d'Adam sa portion de zina. C'est-à-dire que chaque être humain, chaque fils d'Adam, ou chaque homme, ou chaque femme, il a sa portion qui lui a été prédestinée de zina. Et cette portion de zina qui lui a été prédestinée, elle va lui arriver, il va prendre cette portion-là, il ne peut pas s'en échapper. Il n'y a pas d'autre choix. Et il a dit que le zina des yeux, c'est le regard. Donc le zina que quelqu'un fait avec ses yeux, c'est de regarder. Le zina que quelqu'un fait avec la langue, c'est de parler. Le zina que quelqu'un, par la suite, a fait avec son âme, ou bien son cœur, c'est-à-dire de désirer et de souhaiter. Et par la suite, à la fin, c'est les parties intimes qui vont confirmer cela ou le démentir. Donc ça veut dire quelqu'un, avant de commettre ou tomber dans le zina, celui qui a été puni par la charia, soit par la flagellation ou par la lapidation, ça c'est le zina que quelqu'un fait à la fin lorsqu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en impliquant, disons, ses parties intimes là-dedans. Mais sinon, avant ça, il y a des préliminaires au zina. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, tout ça, ça a été prédestiné et chacun il a sa part de ça. Le zina des yeux, le regard, le zina de la langue et le zina du cœur et le zina des parties intimes. Et c'est là que c'est le plus grave, puisque là, il le met en application. Wal'iyadhu billah. Après, il dit le cheikh que, en ce qui concerne la dernière partie de qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a mentionné ici dans le passage qu'on a lu, c'est qu'on peut également prendre ce hadith dans le sens de qu'est-ce qui est détestable, c'est-à-dire makruh ou al-karaha. Et il parle ici de karaha tout tanzih, c'est-à-dire qu'est-ce qui est détestable, c'est-à-dire c'est pas interdit mais détestable. Et il parle de quoi? Il parle du vêtement dont la doublure en dessous est en soie. Et aussi de la question de la femme qui porte du parfum lorsqu'elle sort. Et il dit que ça, c'est pour réunir entre les différents hadiths sur ce sujet. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle continue dans un autre sujet maintenant, qui a rapport aussi avec l'imitation des kuffars, mais c'est un sujet différent. Il dit وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدى ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. Donc le premier hadith, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Rafi' ibn Rafi' ibn Khudayj. Il dit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, nous allons rencontrer l'ennemi demain et nous n'avons pas de couteau ou d'outil pour égorger les animaux. Donc est-ce qu'on peut égorger avec les morceaux de bambou? Et il a dit, tout ce qui fait couler le sang et sur lequel on a mentionné le nom d'Allah, alors tu peux le manger. Mais ce n'est pas la dent ni l'ongle. Alors, ou bien la griffe. Ce n'est pas la dent ni la griffe. Et je vais vous mentionner à ce sujet-là. Et il a dit, la dent, c'est l'os et la griffe, c'est l'outil que les, que, ou le couteau ou la, la, l'instrument qu'utilisent les Éthiopiens. Et il explique maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Il dit « Naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-dhabh bil-dhufur mu'allilan bi-annaha mud al-habasha kama 'allala as-sin bi-annahu 'azm wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hadha فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق والمنخنقة محرمة وصوه على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه والجمهور منع من ذلك مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه والمظنة إنما تقام تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة فأما مع ظهورها وانضباطها فلا وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث. Donc ici après il explique que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit d'égorger des animaux, un animal avec des griffes d'animaux ou bien des os. Et il a expliqué la raison pour ça, c'est que c'est à cause que c'est un os. Les griffes, il a dit que c'est la, la, qu'est-ce qu'utilisent les Éthiopiens. Et les Éthiopiens, à l'époque, c'était des non-musulmans. Et donc, il utilise ce hadith pour montrer en même temps qu'il est interdit de l'utiliser. Et la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, c'est parce qu'il dit que c'est utilisé par les Éthiopiens qui, à l'époque, n'étaient pas musulmans. Il a dit que les savants de fiqh ont divergé sur cette question, sur ce hadith. Et il y en a certains parmi les fuqaha, parmi les gens de ra'i, ils ont donné comme raison de l'interdiction de cet instrument le fait que, ils disent que dégorger avec une dent ou avec une griffe, que ou bien un os, c'est quelque chose qui étrangle l'animal au lieu de l'égorger. Et qu'est-ce qui est étranglé? C'est sûr qu'on n'a pas le droit de le manger. C'est quelque chose de haram. Et d'autres ont permis d'égorger avec la dent ou la griffe qui a été retirée. Parce qu'ils disent que c'est, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui peut égorger puisque ça fait partie des instruments qui ont été séparés et qui sont coupants. Et donc qui n'étrangle pas. Et il dit la majorité des ulama, par contre, eux, ont interdit ça de façon absolue parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné comme des exceptions avec lesquelles on n'avait pas le droit d'égorger. Même si ça fait partie de ce qui peut faire couler le sang de l'animal. Et donc on sait ici très bien donc que qu'est-ce qui est aiguisé et qui est coupant, on n'a pas le droit de l'utiliser si ça fait partie de ces deux choses, c'est-à-dire les griffes ou les os. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans son exception, même si ça n'étrangle pas. Et il explique des principes par la suite du fait que on ne peut pas utiliser comme excuse ici le fait que, par exemple, on pense que c'est à cause du fait que ça étrangle, puisque le hadith il est clair et la sagesse de l'interdiction n'est pas subtile ou n'est pas cachée. Et également on voit que c'est une raison ou une explication de l'interdiction qui s'éloigne de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Donc Cheikh Al-Fawzan il va commenter là-dessus. Il dit qawluhu في حديث رافع قلت يا رسول الله إن ملاق العدو غدا وليس معنا مدا يعني هذا بيان لنوع آخر من أنواع التشبه بالكفار، وهو التشبه بهم باستخدام آلة الذكاء التي يستعملونها، لأنه في شريعتنا يشترط في الحيوان المأكول الذكاء، وقال تعالى إلا ما ذكيتم، وقوله تعالى مما ذكر اسم الله عليه. والذكاة الشرعية لها شروط، أحدها أن يكون الذابح من أهل الذكاء، وذلك أن يكون مسلما أو كتابيا، والثاني الآلة، وذلك بأن تكون آلة حادة لها مور في البدن ينهر الدم، لا أن تكون آلة كالة، لا أن تكون آلة كالة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالآلة شرط من شروط صحة الذكاء، فلو ذكي بغير آلة كما لو ضرب الحيوان فمات أو خنقه فهذا مما لا يجوز أكله. قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Donc le cheikh explique ici que dans le hadith de Rafi, quand il dit nous allons rencontrer l'ennemi demain et nous n'avons pas d'outils ou d'instruments pour être capable de sacrifier ou de couper l'animal, de tuer l'animal. Donc il dit ici que ça c'est pour ce hadith, il l'a mentionné dans le but de clarifier une autre forme d'interdiction d'imitation des koufars. Il dit parce que yani, ici c'est l'interdiction d'utiliser les outils ou les instruments de sacrifice qui sont utilisés par les non-musulmans. Donc on n'a pas le droit de les utiliser. Et il dit pourquoi ? Parce que dans notre charia, pour qu'un animal soit licite, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pour qu'un animal soit licite et qu'on ait le droit de le manger, il faut que ça respecte, il faut respecter certaines conditions, et une des conditions c'est al-zakah. Al-zakah, qu'est-ce que ça veut dire al-zakah ? Ça veut dire le fait que l'animal soit égorgé. Et il mentionne à ce sujet le verset 3 dans Sourate Al-Ma'ida. Le verset 3 dans Sourate Al-Ma'ida qui dit Illa ma zakkaytum. Illa ma zakkaytum. Sauf celle que vous avez égorgée. Et il dit le verset également 118 dans Sourate Al-An'am. Le verset 118 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Mimma dhukira smullahi alayhi. Donc, une autre condition, c'est que le nom d'Allah doit être mentionné sur l'animal. Le nom d'Allah doit être mentionné sur l'animal. Ensuite, il dit Et al-zakat, donc les conditions pour que l'animal soit égorgé de façon islamique et selon la charia. Première condition, c'est que la personne qui égorge doit faire partie de ceux dont on accepte le sacrifice ou que l'animal soit tué par cette personne. Et c'est-à-dire que la personne doit être soit musulmane ou juive ou chrétienne. C'est-à-dire musulmane ou juive ou chrétienne. Si la personne qui égorge l'animal est musulmane, wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Si la personne est musulmane, donc la viande, le musulman il égorge cette viande est halal. Ou si un chrétien il égorge cette viande, dans ce cas-là cette viande elle est halal aussi. Ou si un juif égorge cette viande dans ce cas-là cet animal cette viande elle va être halal. D'accord ? Donc il faut que ce soit premièrement la personne qui sacrifie ou qui égorge l'animal, il faut que ce soit une personne dont on peut accepter qu'il égorge cet animal. Si par exemple c'est un athée qui égorge l'animal, même s'il dit le nom d'Allah, ce ne sera pas halal. Ce ne sera pas halal parce qu'il n'est pas musulman ou juif ou chrétien. Il faut qu'il soit musulman ou juif ou chrétien. Et même quand on dit par exemple musulman, juif ou chrétien, ça veut dire que du moment qu'il dit que sa religion, c'est ça, dans le sens, s'il est musulman, on sait que, qu'est-ce qui a rapport avec le musulman, on sait qu'est-ce que c'est un musulman, c'est celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, puis qui fait la salat. En ce qui concerne les gens du livre, il y en a qui disent, ah, mais les chrétiens, les juifs aujourd'hui, c'est pas des vrais chrétiens, c'est pas des vrais juifs. Ou bien à l'époque, aujourd'hui, ils pratiquent plus leur religion. C'est pas une condition qu'ils pratiquent leur religion. La condition, c'est juste qu'ils se reconnaissent ou qu'ils se disent juifs ou chrétiens. D'accord? Et qu'ils soient pratiquants ou non, ça c'est autre chose. Parce que même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pratiquaient pas leur religion, comme aujourd'hui. Et non seulement ça, mais ils disaient aussi que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu est incarné en Jésus ou des trucs de ce genre. Donc ils étaient encore, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient du shirk et ils avaient des croyances de kufr. Donc le fait qu'ils soient aujourd'hui comme ça, donc c'est pas différent de qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Donc si c'est un hindou qui a égorgé l'animal, est-ce qu'on a le droit de le manger? Non, on n'a pas le droit de manger la viande qui est égorgée par un hindou, parce que c'est un mouchrik qui ne fait pas partie des gens du livre. Donc, on n'a pas le droit de manger sa viande. Si la viande est égorgée par un bouddhiste, est-ce qu'on a le droit de manger cette viande? Non, on n'a pas le droit de le manger parce que cette viande, elle n'est pas égorgée par un musulman ou un juif ou un chrétien. Donc, c'est seulement la viande égorgée par un musulman ou un juif ou un chrétien qui est permise. Les autres, c'est pas permis. Hein? Donc, ça, c'est juste pour donner des exemples pour que ce soit plus clair. Naam. Mais par contre, si par exemple quelqu'un te donne de la viande, il l'a acheté, hein? Quelqu'un qui a acheté de la viande dans une boucherie halal, et puis il est bouddhiste ou hindou, il achète de la viande halal puis il te le donne. S'il achète de la viande halal, dans ce cas-là, c'est pas comme si lui l'avait égorgé lui-même. Hein? C'est un musulman qui l'a égorgé, puis lui il l'a acheté puis il le donne à un musulman. Dans ce cas-là, c'est permis de le manger. Allah Ta'ala a'lam. Après, le cheikh, il explique ici, il dit, deuxièmement, il faut que l'instrument qu'on utilise pour tuer l'animal soit un instrument qui est aiguisé et qui est coupant. Et que lorsqu'on le passe sur l'animal, ça va faire sortir le sang. Ça va faire sortir le sang de l'animal. Donc, ça doit pas être un instrument qui est pas coupant. Si c'est un instrument qui n'est pas coupant, ce n'est pas permis. Parce que sinon, ça ne va pas l'égorger, l'animal. Ça peut le tuer, mais ça ne va pas l'égorger. Comme par exemple, si quelqu'un il prend un marteau pour assommer l'animal, ou un bâton, ça va tuer l'animal, mais ça ne va pas l'égorger. Le sang ne va pas sortir, donc ce n'est pas permis dans ce cas-là. Il faut que ce soit un instrument qui est coupant et tranchant, et que quand on le passe sur l'animal, ça fait sortir le sang, le sang va gicler. Hein? Et donc, il dit ici, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim, selon Shaddad ibn Aws, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a prescrit la bienfaisance sur toute chose. Et lorsque vous tuez, hein, il dit, lorsque vous tuez, faites-le d'une bonne façon. D'une façon avec la bienfaisance dedans, avec du bien dedans. C'est-à-dire d'une manière qui ne va pas faire souffrir l'animal, hein, avec bonté. Et donc, si vous égorgez l'animal, égorgez-le avec bonté, avec bienfaisance, et aiguisez la lame, pour que l'animal, lorsqu'elle est égorgée, elle va être apaisée. Elle va être apaisée. D'accord? Pourquoi? Parce que si la lame est mal aiguisée, mal effilée, eh bien, ça va la torturer, l'animal. Ça va lui faire mal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la bonté même dans la façon d'égorger. l'animal. Et il dit ici que l'instrument qu'on emploie pour égorger l'animal, c'est une condition parmi les conditions pour que le sacrifice ou bien l'égorgement soit correct et acceptable selon l'islam. Donc si par exemple quelqu'un prend un, comme je disais tout à l'heure, le cheikh il dit فَالْآلَةُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الذَّكَاءِ فَلَوْ ذُكِّيَ بِغَيْرِ آلَةٍ كَمَا لَوْ ضُرِبَ الْحَيَوَانِ فَمَاتْ أَوْ خَنَقَهُ فَهَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ. Donc il dit par exemple, si tu la frappes l'animal avec un instrument comme le marteau, tu l'assommes avec une masse ou quelque chose comme ça, ou bien tu l'étrangles, hein, tu lui casses le cou ou bien tu l'étrangles, tu n'as pas le droit de le manger dans ce cas-là. C'est pas permis de le manger parce que l'animal n'a pas été gorgé. Et le cheikh, il cite le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida. Et le verset 3, le cheikh mentionne donc ce verset. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il énumère différentes formes de viande qui ne sont pas permises pour des raisons justement qu'elles ne sont pas mortes par le fait qu'on les ait égorgées ou par le fait que le nom d'Allah n'a pas été mentionné. Donc il dit par exemple le verset 3 qui signifie vous sont interdits la bête morte, la bête trouvée morte. Donc si vous trouvez une bête, elle est morte par terre, vous ne savez pas qui l'a tuée, comment elle a été tuée, vous n'avez pas le droit de la manger. Hein? Un animal qui est mort comme ça, quelque part, une vache morte tombée par terre, vous ne savez pas comment elle a été tuée, vous n'avez pas le droit de la manger. Le sang, de même que le sang, c'est pas permis, hein, le sang, de manger le sang, c'est pas permis. De même que la chair de porc. Ça, le porc, ça, c'est connu que c'est haram. Et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. C'est-à-dire des animaux qui ont été égorgés pour une idole. Ou pour autre que Allah. Comme par exemple, une idole comme parmi les idoles, ou bien, un djinn, ou un mort ou un wali ou un saint, comme les soufis parfois qui égorgent des animaux pour des tombes, on n'a pas le droit de manger cette viande. D'accord? Et il dit la bête étouffée. Donc l'animal qui a été étouffé, la bête assommée ou l'animal qui est mort d'une chute. Hein, elle est tombée puis elle est morte. Ou bien morte d'un coup de corne. Elle a été encornée par un autre animal, puis elle est morte. Ou elle a été dévorée par une autre bête féroce. Hein? Donc, c'est-à-dire que il y a une autre bête féroce qui est venue, qui l'a mangée, ou qui en a mangé une partie. Vous n'avez pas le droit de manger de cette viande-là. Il dit, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. C'est-à-dire, si par exemple tu trouves un animal qui a été qui est tombé ou qui s'est assommé, mais elle respire encore. Au moment où vous la voyez par exemple est tombée par terre, elle respire encore. Et là toi tu arrives puis tu dis Bismillah Allahu Akbar, tu l'égorges. Hein? Alors dans ce cas-là elle est halal parce qu'elle n'était pas morte au moment où vous l'avez égorgée. Naam. Justement, Naam. Donc, comme qu'est-ce que le cheikh il a mentionné ici, dans l'explication des catégories d'animaux qu'on n'a pas le droit de manger, donc ça c'est pour clarifier que l'animal doit être égorgé. Et là maintenant, le frère il pose une question et c'est relié au sujet. Juste pour continuer, parce que le frère il a cité le verset. Qui est mentionné après celui-là, le verset 3. Après le verset 3, où qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Hein? Des fois, il y a aussi des gens qui disent aujourd'hui, les gens ils électrocutent les animaux. Ils électrocutent les animaux. Donc, ils disent, à cause de ça, la viande n'est pas permise, n'est pas halal. Il faut savoir que si l'animal, elle a été électrocutée, hein, puis qu'elle est morte par électrocution, ça c'est sûr que c'est pas halal dans ce cas-là. Mais si elle a été électrocutée juste pour la saisir, mais qu'elle est encore vivante, puis que toi tu arrives après qu'elle ait été électrocutée, et que tu l'égorges avant qu'elle meure, dans ce cas-là, la viande elle est halal. Hein? Parce que tu l'as égorgée avant que qu'elle soit morte. Donc ça c'est un point important de comprendre. Aussi il dit, ou bien qu'on a immolé sur les pierres dressées. Ok, donc si elle a été immolée sur des pierres dressées, ça aussi c'est pas permis, parce que c'est du shirk qu'on a fait avec cet animal là, donc à cause de ça elle devient haram. Ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen des flèches, car cela est perversité. Donc la fin du verset, ça parle d'un autre sujet. Aujourd'hui les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion, ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et si quelqu'un est contraint par la faim, tu vois, donc ça revient à qu'est-ce qu'on a dit auparavant, qu'il y a une autre exception aussi à qu'est-ce qui est interdit. C'est les cas de nécessité. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit faman itturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. C'est-à-dire, si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans le sens que si tu es dans une situation où tu n'as rien à manger et que tu vas mourir de faim, puis que tu trouves une bête morte, hein, puis que tu décides de la cuire puis de la manger, hein, même si elle n'est pas égorgée, dans ce cas-là c'est pas haram. Pourquoi? Parce que c'est une situation ou un cas de nécessité. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran faman itturra min al-ittirar, c'est-à-dire ad-darura, d'accord. Et il dit ensuite dans le verset 4, yas'alunaka madha uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. Donc ça c'est quoi? C'est quand les gens ont entraîné un chien à la chasse et que ils tirent l'animal, puis après ils envoient leur chien pour le capturer. Il dit, vous sont permises les bonnes nourritures ainsi que ce que capturent les carnassiers, c'est-à-dire les chiens que vous avez dressés, en leur apprenant ce que Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Donc ce que les chiens capturent, quand tu les envoies, tu dis Bismillah et puis c'est halal. La même chose que qu'est-ce que tu chasses. Quand tu tires avec ton arme, soit avec ton fusil, ou bien avec ta flèche, ou bien avec le projectile que tu envoies sur l'animal, soit un oiseau ou autre, dans ce cas-là, cet animal-là, si tu tires, tu dis Bismillah en tirant, et puis ça sera halal. Et dans les livres de fiqh, il y a le chapitre sur As-Sayd et les règles reliées à As-Sayd, et puis tout ça c'est expliqué dedans en détail. Donc tu peux même ici regarder, il y a le livre ici, l'explication de Zad al-Mustaqni', tu peux regarder les règles qui sont mentionnées à ce sujet-là. Tu peux aussi regarder dans le Tafsir ibn Kathir, l'explication du verset, et il y a des détails qui sont mentionnés là-dessus aussi, si tu veux avoir plus de compréhension là-dessus. En ce qui concerne la question que tu as demandée au sujet des poulets, ici tu me dis, est-ce que c'est permis de manger les poulets même si c'est pas écrit halal dessus? C'est dans le verset suivant la réponse, le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous ici, le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Donc, ça c'est pour dire que la nourriture des gens du livre, on parle de la viande. La viande des gens du livre vous est permise. Et votre propre nourriture, la nourriture des musulmans, leur est permise, c'est-à-dire est permise aux gens du livre aussi. Donc ça répond à la question par rapport aux viandes qu'on retrouve ici, qui sont yani vendues chez les juifs et chez les chrétiens. Et la question maintenant, c'est souvent les gens ils posent la question, est-ce qu'on a le droit de manger cette viande ou est-ce qu'on n'a pas le droit? La plupart des ulama, et je parle des grands ulama à notre époque, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh et d'autres parmi les grands machaykhs également, eux ils ont dit, si tu es dans un pays chrétien ou juif, dans ce cas-là tu trouves de la viande, de bœuf ou de poulet ou des viandes qui sont halal pour nous, et que ils le vendent dans leur magasin, tu as le droit de l'acheter et tu as le droit de le manger, et tu n'as pas besoin de poser la question à savoir est-ce que cette viande a été égorgée ou non. Tu prends et tu manges. Oui, et ils ont dit pourquoi? Parce que c'est la viande des gens du livre, donc de ce point de vue là c'est halal. Et ils ont dit le seul cas dans lequel tu ne dois pas la manger, c'est lorsque tu es certain et que tu n'as pas aucun doute, tu as la certitude et la preuve que cette viande-là n'a pas été égorgée. Si tu as la preuve et la certitude que la viande en question n'a pas été égorgée, dans ce cas-là, tu la manges pas. Mais sinon, si la viande, tu ne sais pas, à la base, tu ne sais pas s'il est égorgé ou non, mais du moment que tu sais que c'est un pays chrétien, un pays de juifs, à la base, ça veut dire que cette viande, elle est la viande des gens du livre, donc elle est halal. Et c'est permis de la manger. Et tu n'as pas besoin de chercher à savoir est-ce qu'elle est égorgée ou non, ou de poser la question au vendeur à la boucherie, est-ce qu'elle est égorgée ou non. Non. Tu le prends, tu le manges. C'est ça la règle que les ulama ont mentionnée. Bouddhiste ou hindou? Oui, c'est ça. Il faut juste savoir si, parce que si c'est vendu, parce qu'ici, comme je te dis, la règle de base, c'est qu'on est dans un pays chrétien ou dans un pays juif. Et c'est ça que les gens prennent en considération, les ulama, c'est ça qu'ils prennent en considération. C'est pas de savoir la aqida de chaque individu dans le pays. Et est-ce qu'ils croient au christianisme ou non, ou est-ce qu'ils sont ci ou ça? Non, de façon générale, le pays, tu vois qu'il y a des églises, il y a des synagogues, les gens, leur religion de base c'est le christianisme, même s'ils sont laïcs, c'est pas grave, à la base c'est des chrétiens. Et donc, ils considèrent ça c'est un pays chrétien, ils disent dans ce cas-là c'est considéré comme de la viande qui est permise de manger. Maintenant, si c'est des épiceries des asiatiques ou des hindous, tu sais que la plupart d'entre eux, ils vont acheter leur viande dans les abattoirs des gens du pays. C'est pas, ils n'ont pas leurs propres abattoirs pour eux. Donc tu peux le prendre, mais en principe, si tu as des doutes, c'est mieux d'éviter puis d'acheter ailleurs, tu vois. Mais la question, c'est ça aussi, qu'une chose très importante à ce sujet-là, c'est que ce n'est pas obligatoire non plus de manger leur viande. C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas en confiance et que tu as des doutes, ou que tu te sens pas confortable de le manger, dans ce cas-là, ne le mange pas. Il y a personne qui te force. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait douter, laisse-le pour ce qui ne te fait pas douter. Et aussi, il dit, « Inna al-halala bayin wa inna al-harama bayin. Wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a les choses halal sont claires, les choses haram sont claires, et entre les deux il y en a qui sont troubles, c'est-à-dire il y a des choses qui sont douteuses que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est seulement les ulama qui les connaissent. Donc celui qui s'écarte des choses qui sont troubles, qui sont ambiguës, qui sont douteuses, il s'est préservé dans son honneur et dans sa religion. Tandis que celui qui rentre dans les choses douteuses, il rentre dans le haram. Hein? Il risque de tomber dans le haram. Comme quelqu'un qui a un troupeau de moutons, puis qui l'amène au bord de la clôture pour manger. Il risque de manger de l'autre côté de la clôture aussi. Donc, si tu veux éviter que tes moutons mangent de l'autre côté de la clôture, tu ne les amènes pas proches. Tu restes à distance de la clôture, comme ça au moins tu sais que tu ne vas pas tomber dans la zone grise. Et donc c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire ici. Et après, il y a les principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, il a dit « Istafti qalbak ». Tu regardes à ton cœur comment tu te sens par rapport à ça. Si toi tu vois que tu ne te sens pas à l'aise de le faire, tu ne te sens pas à l'aise de le manger, dans ce cas-là tu ne le manges pas. Et il n'y a personne qui t'oblige non plus à le manger si tu ne veux pas le manger. Alaykoum salam wa rahmatullah. Mais en même temps aussi, il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que tu n'as pas le droit de l'interdire si c'est halal. Parce que de rendre halal, de rendre haram ce qui est halal, c'est la même chose que de rendre halal ce qui est haram. Et tu n'as pas le droit de rendre halal ce qui est haram. De la même manière, tu n'as pas le droit non plus de rendre haram ce qui est halal. Donc tu rends la religion difficile pour les gens. D'accord? Donc il faut bien comprendre ce principe. Ça peut arriver, comme tu dis, que dans cet abattoir, il y ait, par exemple, certains individus dedans qui soient, par exemple, athées, ou qui soient hindous, ou qui soient bouddhistes, ou d'autres religions, comme tu dis. Ça, c'est possible. Mais en même temps, je veux dire, la règle générale, hein, on sait que ceux qui vont travailler dans ces endroits-là, dans un pays comme ici, ça serait la majorité, ce serait soit des juifs ou des chrétiens ou des musulmans. Et il y a des abattoirs ici au Québec qui sont des abattoirs qui appartiennent à des musulmans seulement. Ça, si tu as des doutes. Aussi, il y a les abattoirs, la viande qui est vendue chez les juifs, tu sais qu'eux, ils ont leurs règles et que leurs règles, la façon comment ils égorgent l'animal, ça c'est très proche de la façon comment les musulmans le font. Donc c'est cette viande-là, il n'y a pas de problème aussi. Si tu vois par exemple la viande qui est vendue chez les juifs, qui est la viande cachère ou des trucs comme ça, si tu la manges, c'est pas interdit de la manger. Et si tu as des doutes par contre avec la viande des chrétiens, puis tu dis « ah mais je sais pas », c'est comme je te dis, si tu veux pas le manger, t'es pas obligé de le manger. Mais c'est pour dire qu'il y a des fatahs ou des ulama, des grands ulama de notre époque qui ont mentionné à ce sujet-là que tu n'as pas à questionner ou poser la question, parce que sinon, même maintenant dans les pays musulmans, les gens, Allah al-Musta'an, ils ne vont pas manger la viande dans les boucheries. Ils disent, ah, je ne sais pas, ce musulman-là, est-ce qu'il a égorgé sa viande comme il faut, est-ce que si et ça. Ils commencent à avoir des doutes même sur les musulmans. Et il y a des pays non musulmans où les gens, par exemple, ils ne vont pas acheter une viande excepté si elle a telle marque dessus écrit pour dire elle a été vérifié par telle organisation pour dire que c'est halal. Donc ils font des certifications de viande halal. Et là, pour faire ça, bien entendu, ils doivent avoir des employés qui vont aller dans chaque abattoir pour vérifier. Et ça, il faut les payer. Ça veut dire que les producteurs de viande, par la suite, ils doivent augmenter le prix de leur viande à cause de ces vérifications-là, parce que il faut payer les employés qui viennent vérifier. La viande coûte plus cher à cause de ça, comme chez les juifs. Hein? Ils ont des rabbins qui doivent aller, soi-disant, aller certifier que telle viande est cachère ou je ne sais pas quoi. Et tout ça, ça ne fait pas partie de l'islam. Toutes ces choses-là, ça ne fait pas partie de l'islam. Le prophète, il ne faisait pas ça, ni les sahaba, ni les tabi'in ne faisaient pas ces choses-là à l'époque. Ils n'allaient pas vérifier chaque musulman qui vend de la viande. Est-ce que ta viande est égorgée? Est-ce que t'as respecté les conditions et tout et tout? Non. Si tu vas chez quelqu'un, tu vas aller manger, tu t'assois à la table, il te sert de la viande, tu vas commencer à lui poser la question, à quelle boucherie t'as acheté? C'est à quel abattoir qu'il est allé l'égorger? Parce que si tu commences à faire ça, tu deviens extrémiste dans la religion. Hein? Puis tu commences à rendre la religion très difficile pour toi-même et pour les gens. Donc, yani, ça c'est quelque chose qui est détestable. C'est quelque chose qui est très mauvais. Donc, il faut éviter le rolo et l'extrémisme dans ces choses-là. Même qu'il y a, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un, yani, il m'a dit à quel point il y a une personne qui est stricte dans ces choses-là, qui refuse de manger de la viande des juifs et des chrétiens dans les supermarchés, mais elle ne fait pas la salat. Donc, c'est pour dire, subhanallah, tu fais des choses, hein, une chose qui est fondamentale, qui est un des piliers de l'islam, tu le négliges, tu ne le pratiques pas. Puis, quelque chose comme ça, tu es très strict, très méticuleux et très extrémiste là-dedans. Donc, il n'y a pas de balance dans cette attitude-là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme ça qui mettent de l'importance sur certaines choses, mais qui, dans des choses qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus obligatoires, ils ne sont pas aussi stricts. Donc, c'est pour cette raison que tu vois que souvent, ce n'est pas des gens qui prennent la religion avec science et avec compréhension qui agissent de cette façon-là. Exactement. Barakallahu fik. Donc c'est comme l'exemple qu'un frère nous mentionne lorsqu'il était en Égypte, et puis il est allé acheter de la viande, et c'était une boucherie, ou là où ils étaient allés, c'était une boucherie chrétienne, des chrétiens coptes. Alors, il y a des frères qui ont voulu acheter la viande là-bas et d'autres qui ont refusé. Et c'est des frères qui étudient la religion, c'est des toulab il. Mais ils ont divergé entre eux. Donc, il y a un groupe parmi eux qui disait non, tu n'as pas le droit de le manger, cette viande. Et l'autre groupe qui disait oui, tu as le droit de le manger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir un cheikh pour poser la question. Et le cheikh, finalement, il a dit oui, tu as le droit de le manger. Tu es dans un pays musulman, donc, ça, c'est des chrétiens, c'est les gens du livre, tu as le droit de manger leur viande. Et finalement, le débat était clos. Mais c'est pour dire que, les gens, des fois, ils compliquent les choses. Et ça, moi, je parle en particulier ici du qu'est-ce qui se passe par rapport au Canada. Parce que, qu'est-ce qui se passe peut-être dans d'autres pays, comme en Europe, ou en France, ou je ne sais pas où, des fois, les règles sont différentes par rapport à ces questions-là. Et qu'il y a parfois des détails ou des spécificités qui diffèrent. Mais de façon générale, la fatwa que les frères ici et que les salafis ont pris depuis des années, c'est toujours cette fatwa de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin sur le fait que la viande des gens du livre, elle est permise. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il est venu lui-même, lorsqu'il était malade, il est venu pour les traitements qu'il a suivis. Il est venu, je pense, à Boston, et il a donné des conférences dans les mosquées là-bas, et on lui a posé ces questions-là, et il a répondu, il a dit, si tu veux, on va ensemble manger dans le restaurant, si tu veux. On a posé la question à d'autres mashayikhs, ils ont dit la même chose. Quand ils sont venus ici, ils ont dit, si tu veux, je viens avec toi, on va aller manger dans le restaurant, il n'y a pas de problème. Donc, alhamdoulilah, est-ce que nous, on est plus... méticuleux des questions de ce genre que nos grands ulama, je pense pas. Barakallahu fikoum. En ce qui concerne, donc, c'est ça, cette question, elle revient constamment. Et je pense que, chaque fois, à chaque occasion, les gens posent la question. Et je me la suis fait poser tellement de fois. Donc, j'espère que ça va être clair cette fois-ci, Inch'Allah. Non, Inch'Allah, non. Donc le cheikh il dit ensuite وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الذَّكَاءِ ذِكْرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَى الْمَذْبُوحِ مِنَ الدَّوَابِ وَالرَّابِعِ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ فِي مَحَلِّ الذَّكَاءِ وَذَلِكَ بِقَطْعِ الْمَرِي وَالْحُلْقُومِ وَأَحَدُ الْوُجْدَيْنِ أو قطع الأربعة كلها الوجدان والمري والحلقوم أو قطع ثلاثة من الأربعة. Donc le cheikh il dit que parmi les conditions également qui fait que l'égorgement va être selon les conditions de la charia, c'est qu'on doit mentionner le nom d'Allah sur l'animal qui est égorgé. Ça c'est une autre condition. La quatrième condition, c'est que l'animal doit être égorgé à l'endroit où Allah nous a ordonné de l'égorger, c'est-à-dire que on doit couper la gorge, hein? C'est-à-dire que on doit couper la tranchée ici et l'œsophage, la tranchée et une des deux veines qui amène le sang au cerveau, hein, la veine jugulaire ici, ou bien les quatre, c'est-à-dire les deux veines de chaque côté, puis la gorge, la tranchée, puis l'œsophage. Donc, c'est ça qui doit être coupé. Et il dit, si tu coupes les, tout au complet, c'est bon, ou bien sinon, tu coupes une des deux veines, puis la tranchée artère et l'œsophage. Donc, c'est ça qui est obligatoire de couper lorsque tu égorges l'animal. Bismillah, Allahu Akbar. Et là, tu la coupes, comme ça. Il dit, وَالَّذِي هُوَ مَحَلُّ الشَّاهِدُ هُنَا هُوَ الْآلَةِ فيشترط أن تكون آلة حادة من أي مادة كانت من حديد أو قصب أو خشب أو من خشب أو من حجر تقتل بشقها للجلد تقتل بشقها للجلد وإنهارها للدم ولا يستثنى من ذلك إلا هذان المذكوران في الحديث السن والظفر. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut tirer de ce hadith, pourquoi on a parlé de ce sujet là ici, c'est parce que yani l'instrument qu'on emploie pour égorger l'animal, parmi les conditions, c'est que elle soit un instrument qui soit coupant, et peu importe la matière de cet instrument, c'est-à-dire que ce soit un instrument fait en métal ou en bambou, yarhamukallah, ou en bois, ou en pierre. L'important, c'est que tu tues l'animal avec le côté tranchant et que ça tranche la peau et ça coupe et ça fasse couler le sang. Mais parmi les matériaux mentionnés, il y a deux exceptions des instruments que si c'est dans deux matériels spécifiques, on n'a pas le droit de l'utiliser. Si c'est avec la dent et la griffe, c'est-à-dire l'os et la dent. Hein? C'est ça qui est interdit. Il ne faut pas que ce soit des griffes d'animaux ou des crocs d'animaux. Pour qu'on utilise ça pour égorger l'animal, ce n'est pas permis. Et il dit... والذي هو محل الشاهد donc on l'a lu ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وسأحدثكم عن ذلك يعني سأبين لكم وجه المنع من الذكاة بالسن والظفر وأما السن فعظم فدل على أنه لا يحل الذكاة بالعظام بجميع أنواعها donc il a dit que la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser ces deux choses-là, la dent et la griffe, le croc et la griffe, ou la dent et la griffe, il dit parce que la dent c'est un os, et on n'a pas le droit donc d'égorger un animal avec un os, de même que il a dit « وَالظُّفُرْ وَإِنْ كَانَ حَدًّا يَقْطَعُ الْجِلْدِ فَلَا يَحِلُّ الزَّكَاةِ فَيَعُمُّ جَمِيعَ الْأَذْفَارِ » Donc, toutes les griffes, les crocs, les griffes, on n'a pas le droit de les utiliser pour égorger l'animal. وَالْعِلَّةُ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ بِهِمَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُمَا مُدَ الْحَبَشَةِ وَهَذَا وَجْهُ الشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَعْلُومُ أَنَّ الْحَبَشَةَ كُفَّارَ فَنَحْنُ مَنْهِيُّونَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَعَنِ الزَّكَاةِ بِآلَتِهِمْ وَمُدِيِّهِمْ Donc il dit que la raison pourquoi il nous a interdit d'utiliser les os et les griffes, pourquoi? Parce que ça faisait partie des instruments que les gens de l'Éthiopie utilisaient pour égorger, et les Éthiopiens de l'époque, ils étaient tous koufars à l'époque, même si aujourd'hui il y en a qui sont musulmans, mais à l'époque ils étaient tous des koufars et c'était ça qu'ils employaient pour égorger. Et à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de le faire, pour éviter de leur ressembler. Donc c'est pour ça que Ibn Taymiyyah mentionne ce hadith. Après il dit wa qawluhu qad ikhtalafa al-fuqaha fi hadha fa dhahaba ahlu ar-ra'y ila yani hasala al-khilaf في حكم الزكاة بالسن والظفر وإن كان حادين. فأصحاب الرأي وهم الذين يقولون بالقياس من الحنفية وغيرهم أباحوا الزكاة بهما إذا كان منفصلين وحصول المقصود وهو إنهار الدم، وحملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما إذا كان متصلين. وأما الجمهور فإنهم أخذوا بعموم الحديث وقالوا العلة ليست عدم الانفصال فيكون من قبيل الخنق كما يقول أصحاب الرأي، وإنما العلة ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون السن عظما وكون الظفر مدى الحبشة، وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم فلا اجتهاد مع النص لأننا منهيون عن التشبه بهم، والعلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة، وهي هنا منصوصة، والمستنبطة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، وقد لا تعلم العلة فيكون الحكم تعبديا كما ذكر الأصوليون. Donc le cheikh il dit que les fuqaha ont divergé, puis que la position des ashab al-ra'i, ils ont mentionné leur position. Le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'il y a une divergence entre les savants sur la question de du fait d'égorger par la dent ou par l'os, et par l'os ou bien par la griffe. Et même s'ils sont égorgés, même s'ils sont aiguisés, pardon, que ce n'est pas permis d'égorger avec ces choses-là. Mais les gens de Ra'i, Ashab al-Ra'i, c'est-à-dire les gens qui se basent sur le qiyas et sur les analogies, parmi les Hanafiyas et d'autres également, eux, ils ont dit que c'est permis d'égorger avec l'os ou avec la griffe si elles sont séparées. Si elles sont séparées et qu'elles font couler le sang. Et ils ont pris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a mentionné dans le sens que la griffe, elle est attachée. Est-ce qu'il veut dire attachée à la patte de l'animal ou attachée à l'animal lui-même ou séparée de l'animal? Ça, c'est ce que je pense. Allahu a'lam. Mais sinon, muttasil ou munfasil, est-ce qu'il parle d'autre chose? Je ne sais pas exactement. Mais d'après moi, c'est attaché à la patte de l'animal ou à l'animal lui-même. Wallahu a'lam. Et puis il dit que la majorité des ulama, eux, ils ont pris le hadith dans son sens général et ils ont considéré que la raison, c'est pas parce qu'il est attaché ou détaché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. C'est pas parce qu'il est attaché qu'il a interdit, ou bien parce que ça étrangle l'animal qu'il l'a interdit, comme le disent les gens de Ashab al-Ra'i, les gens qui utilisent le qiyas parmi les Hanafis, ainsi de suite. Mais ils ont dit que la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, c'est justement ce qu'il a mentionné dans le hadith, c'est parce que c'était les instruments utilisés par les Éthiopiens. Et c'est cette raison-là qu'on doit mettre de l'avant. Et non les différentes formes d'ijtihad qu'ont fait les gens du Ra'i. Parce qu'on sait que parmi les règles de la charia, c'est que lorsqu'il y a un texte qui est explicite et qui mentionne quelque chose, on n'a pas le droit de faire d'ijtihad. L'ijtihad, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de texte. Et ici, il y a un texte qui est clair et explicite et qui mentionne la raison de l'interdiction. Donc, on n'a pas besoin de faire des efforts de jugement ou d'analogie pour essayer de découvrir la raison de l'interdiction ici. Et la raison qui est mentionnée dans le hadith, c'est la limitation des kuffars. Il dit que lorsque la raison de l'interdiction est mentionnée dans le texte, ça c'est un des cas, tandis que c'est possible que la raison de l'interdiction ne soit pas mentionnée dans un texte. C'est-à-dire pourquoi la chose qui est interdite, elle est interdite pour quelle raison? Des fois c'est mentionné dans le hadith ou dans le verset, des fois c'est pas mentionné dans le hadith, c'est pas mentionné dans le verset. Mais il dit que si elle n'est pas mentionnée dans le verset, la raison de l'interdiction, parfois ça reste que c'est clair, on est capable de faire une déduction pour comprendre l'interdiction, pourquoi elle a été interdite cette chose. Parfois c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire la raison pourquoi Allah l'a interdit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une raison qui est cachée, on ne peut pas la découvrir. Et donc, c'est possible qu'on ignore la raison, et dans ce cas-là, le verdict sera que c'est une interdiction qui est dans le sens de l'adoration. On doit s'en abstenir, même si on ne sait pas pourquoi Allah il l'a interdit, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit pourquoi on ne doit pas le faire, on doit s'en abstenir quand même, par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça ce que les savants de Usul ont mentionné à ce sujet-là. Parce qu'il y a des gens parfois parmi les juhal, parmi les ignorants, qui disent, moi si je ne comprends pas quelque chose, ou je ne sais pas pourquoi une chose a été interdite, je ne m'en abstiens pas, je vais le faire quand même, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi ça a été interdit. Mais ça c'est une erreur. Parce que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne pourquoi il a interdit une chose, des fois il ne le mentionne pas. Et des fois, c'est juste parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve ou il veut nous tester dans notre foi pour voir est-ce qu'on va obéir ou non. Donc, de dire je ne vais pas obéir jusqu'à ce que je sache pourquoi, ça c'est une erreur. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on continuera au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة إن شاء الله.